le chant et la prière dans l'Occident médiéval. Aujourd'hui, Hildegard von Bingen. Bonsoir. Vous le savez, nous fêtons cette année le 900e anniversaire de la fondation de Cîteaux, le nouvel ordre créé par le bénédictin Robert de Molem, qui, un jour, pour aller plus loin du monde, plus près de Dieu, a quitté son abbaye et s'est enfoncé dans la forêt en Bourgogne pour construire un nouveau monastère. L'histoire a parfois d'étranges coïncidences. Il se trouve que cette année 1098, l'une des femmes les plus étonnantes du XIIe siècle est née en Rhénanie. Cette femme a la personnalité aussi forte qu'Héloïse ou Galienor d'Aquitaine, qui ont d'ailleurs vécu à peu près à la même époque. Cette femme, c'est Hildegarde de Bingen, l'une des grandes figures du Moyen-Âge germanique, tant par son aura spirituelle que par ses écrits. Hildegarde a été une grande mystique, une mère abbesse exceptionnelle, elle était dotée de dons de guérisseuse, elle a laissé une œuvre musicale également d'une grande originalité. Elle était entrée dans le monde des monastères à 8 ans, confiée à des religieuses petites par ses parents. À 18 ans, elle a fait ses vœux et 20 ans plus tard, à 38 ans, elle était abbesse de son monastère bénédictin. À cause de son aura, la communauté s'est très vite agrandie, à tel point qu'Hildegarde a décidé de faire construire un nouveau monastère un peu plus loin, ce qu'elle a fait à Bingen, où elle s'est installée avec une vingtaine de moniales. C'est là qu'elle a passé les 30 dernières années de sa vie, c'est là aussi qu'elle est morte à plus de 80 ans, respectée par le pape, par Saint Bernard, avec qui elle a échangé une correspondance fournie. Ce que voulait Hildegarde, c'était réveiller ses contemporains. Elle voulait combattre leur oubli de Dieu. D'où une série d'œuvres théologiques sur le salut de l'homme, sur la lutte du bien et du mal, sur le rayonnement de Dieu visible dans le monde. Le plus fameux de ces textes est le Skiwias, autrement dit « Connais le chemin », l'un des livres dans lequel Hildegarde décrit ses visions mystiques. On en a un manuscrit magnifique qui a été réalisé dans le scriptorium du monastère, avec des miniatures. Dans tous ses ouvrages, Hildegarde insiste sur la signification religieuse de l'univers. Pour elle, tout, le ciel, la terre, la foi, les sciences, l'existence même de l'homme, tout est le reflet de l'amour divin. Et elle appuie son propos sur son expérience mystique, sur ses visions contemplatives, comme dans cet hymne « Cum vox sanguinis » dont Hildegarde a fait la musique et le texte. L'hymne raconte la vision d'une immense procession dans laquelle Sainte Ursule, martyre, et ses compagnes se tiennent devant le trône de Dieu. Lorsque le cri du sang d'Ursule et de sa troupe innocente a retenti devant le trône de Dieu, l'antique prophétie s'est montrée dans la véritable révélation de la Trinité. Et elle a proclamé « Ce sang nous a touchés maintenant tous. Réjouissons-nous. » Puis la congrégation de l'agneau s'est présentée à travers le bélier pris dans le buisson, et elle a dit « Que la louange soit sur Jérusalem pour la rougeur de ce sang. Ensuite vint le sacrifice du taureau, dont l'ancienne loi donnait l'exemple, le sacrifice pour la gloire qu'une enveloppe diaprée entourait et qui couvrait d'une nuée la face de Dieu. Hildegarde a laissé plus de 70 chants, des antiennes, des répons ou des hymnes, comme celles que nous venons d'entendre. Marcel Pérez, vous avez beaucoup travaillé sur ce répertoire, vous l'avez enregistré avec l'ensemble Organum. On dit souvent que c'est une musique à part. À part, et en même temps bien inscrite dans le XIIe siècle, parce que Hildegarde von Bingen est une femme du XIIe siècle, du début du XIIe siècle, et ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a composé, s'inscrit parfaitement dans les préoccupations de ses contemporains. Et d'ailleurs, c'est une chose qui nous émerveille maintenant de voir comment cette femme, au travers d'un mode de vie érémitique quand même, parce qu'elle a passé sa vie à l'ombre d'un grand monastère, et puis après, quand elle a eu la cinquantaine, elle a commencé à voler de ses propres ailes et à créer son propre monastère. Mais l'essentiel de sa vie, eh bien, s'est passé à l'ombre du monastère d'Isibodenberg, un monastère bénédictin. Et dans cet endroit, eh bien, elle était quand même au courant des principales préoccupations de ses contemporains, tant sur le plan mystique, sur le plan cosmogonique, que sur le plan de la musique qui nous intéresse particulièrement. Je tiens à le préciser parce que souvent on présente un peu Hildegarde comme une extraterrestre, hein, mais non, c'est une femme qui est complètement enracinée dans son siècle, et comme tous les gens de génie, finalement, ils ne font qu'exprimer ce que chacun vit quotidiennement, mais eux, ils l'expriment avec un panache, une verve et un sens de la construction et du discours qui leur est particulier. Sa musique, eh bien, sa musique, encore une fois, elle est tout à fait datable, c'est la musique que l'on compose au cours du XIIe siècle. Il y a beaucoup de gens qui ont composé des offices. Alors sa musique, précisons-le tout de suite, est liturgique. Là aussi, il faut le dire, parce qu'on entend des interprétations bizarroïdes. On voudrait faire justement d'Hildegarde une espèce d'extraterrestre qui n'a rien à voir ni avec le catholicisme, encore moins avec l'ordre bénédictin. Mais c'est une bénédictine. Sa musique, c'est une musique liturgique. Ce sont des antiennes, des répons, des hymnes. Il y a un seul jeu qui est un jeu paraliturgique, l'Ordo Virtutum, qui est une espèce de drame liturgique qui n'est pas vraiment liturgique, mais qui est destiné à exalter le sens moral de ses concerts. Mais tout le reste de son œuvre s'inscrit parfaitement dans la liturgie. Dans la 43e année de ma vie, voici que dans une vision céleste, avec une grande peur, je fus saisie d'une aspiration tremblante. Je vis la plus grande splendeur, dans laquelle prit forme une voix venant du ciel, me disant « Ô homme fragile, cendre des cendres et corruption de la corruption, dis et écris ce que tu vois et entends. » Le jeu liturgique d'Hildegarde s'ouvre par un prologue, une antienne avec accompagnement instrumental que nous venons d'entendre. Ensuite, les principaux personnages qui vont entrer en scène sont l'âme humaine, le diable et la troupe des vertus, qui donne son nom à l'œuvre, qui s'appelle le jeu des vertus. La troupe des vertus est là pour aider l'âme dans sa lutte contre le mal, lutte qui constitue le thème du jeu. Les vertus sont humilité, foi, miséricorde, charité, espoir, d'autres encore comme crainte de Dieu ou mépris du monde. Hildegarde a écrit ce jeu pour les bénédictines de son monastère, qui le jouaient elles-mêmes pour leur élévation spirituelle. À côté de cette pièce liturgique, l'essentiel de la production musicale d'Hildegarde, comme nous le rappelait Marcel Pérez, l'essentiel de cette production, ce sont des chants destinés à l'office et des chants qui accompagnaient la récitation des psaumes. Dans l'approche que nous avons essayé de redonner d'Hildegarde, eh bien, nous avons essayé de l'enraciner premièrement dans l'esthétique rhénane du XIIe siècle, qui est une esthétique qui est encore très très proche des sources carolingiennes. Metz, Trèves, Aix-la-Chapelle, la vallée du Rhin, c'est le même ensemble culturel et c'est des endroits où les gens sont conscients et jaloux de cet héritage carolingien. C'est quand même de ces régions que le noyau de ce qu'a été ce formidable mouvement carolingien s'est constitué. Et on voit dans les notations de cette époque-là, allemande donc, que le style vocal est très préservé, il y a beaucoup d'ornementation. Alors là aussi, faisons un sort à ces idées reçues qui traînent depuis des dizaines d'années, non seulement chez le public, mais chez les musicologues, de penser que l'ornement, c'est une histoire du Sud. Les ornements, on en avait partout jusqu'en Laponie. Et les notations allemandes du XIIe, du XIIIe siècle sont extrêmement ornées, tout comme la musique de Bach d'ailleurs. Donc la musique d'Hildegarde est également extrêmement ornée et sa notation est précise. Souvent, j'entendais des commentateurs qui disent que sa notation était précise, on ne sait pas quoi faire, c'est absolument faux. Dans sa notation, tout est écrit, le moindre geste vocal, le moindre petit ornement et même les variations d'intervalles, les variations chromatiques des intervalles sont notées. Donc là, il suffit de porter l'attention sur, non pas sur les transcriptions, mais sur les manuscrits eux-mêmes qui sont très clairs. Église, tu es digne de louange dans cette troupe, la grande troupe que le buisson à combustible qu'avait vu Moïse symbolise, et que Dieu avait plantée dans une première racine, dans l'homme qu'il avait formé du limon. Elle a crié vers Dieu de la plus éclatante voix, dans l'or, la topaze et le saphir très pur, toute nimbée d'or. Maintenant que tous les cieux se réjouissent et que tous les peuples soient honorés avec elle, ainsi soit-il. Et les fameuses visions d'Hildegarde? Oui, elle avait des visions comme d'autres. Hein. C'est pas la seule à avoir eu des visions. Et je dirais que l'objectif d'ailleurs de la pratique liturgique, c'est de développer les pratiques de contemplation et d'adoration qui reposent sur des visions. Là aussi, hein, il faut pas en faire toute une montagne. Hein. Lorsqu'on a une vie religieuse profonde, lorsqu'on est un professionnel de la vie religieuse, comme c'est le cas des moines et des moniales. Eh bien, les visions, ce sont des choses qui sont, je dirais pas quotidiennes, mais assez normales. La différence, c'est que certains en parlent, d'autres n'en parlent qu'à leur directeur spirituel. Et certains ont la capacité de les décrire aussi, ce qui fut son cas. Alors, je ne veux pas minimiser son rôle, mais elle a eu des visions comme d'autres. Mais surtout, pour ce qui nous intéresse dans le domaine de la musique, elle a essayé de transmettre ses techniques de contemplation. Parce que nous sommes dans... Il faut toujours se placer dans le cadre de l'oraison. Et l'oraison, vous avez la première base de l'oraison, vous récitez Notre Père, je vous salue Marie. Bon, ça c'est le béaba pour les débutants, mais lorsque vous pratiquez la liturgie, vous apprenez à contempler. C'est-à-dire que ça veut dire contempler. Vous avez des scènes qui vous apparaissent et ces scènes sont suggérées et canalisées et provoquées par la liturgie. C'est le rôle de la liturgie. Et le chant a une fonction première là-dedans. Premièrement, on ne conçoit pas de liturgie sans chant. Enfin, il y a des messes basses, mais la messe conventuelle, la liturgie et les offices conventuels, quand vous, à partir du moment où vous êtes en groupe, vous devez chanter. Et la musique d'Hildegarde s'inscrit dans cette fonction, donc, qui est de soutenir la méditation de la communauté. Et donc, sa musique procède par petites touches où chaque mot qui est proféré d'une manière très lente, eh bien chaque mot va ouvrir en harmonique des images qui s'enchaînent. Un mot signifie une image qui elle-même va permettre l'éclosion d'une autre image dans l'esprit. Et selon le degré d'avancement spirituel de la personne qui pratique ou qui écoute, eh bien ces images pourront vivre d'elles-mêmes. À partir du moment où les images vivent d'elles-mêmes, eh bien c'est ce qu'on appelle l'adoration. La différence entre la contemplation et l'adoration, eh bien, la contemplation, encore, le sujet qui contemple est lié à l'image qu'il voit, mais dans l'adoration, l'image est complètement extérieure et le sujet est complètement, fondu et disparaît, il n'y a plus que ce qui contemple. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Et la musique d'Hildegarde est totalement faite pour ce genre de pratique. Encore une fois, ce n'est pas la seule. Alors, si vous allez à l'école Notre-Dame, Notre-Dame pratique à un niveau encore plus avancé cet art de la contemplation. Lorsque vous avez un mot dans les organats qui peut durer 5 minutes, vous voyez, le mot est chanté pendant 5 minutes, alors vous imaginez toutes les images qui peuvent éclore dans l'esprit de celui qui participe à cet acte liturgique, qui participe en chantant ou en écoutant, je le précise encore. Les pièces d'Hildegard de Bingen que nous avons entendues ce soir étaient extraites de 3 disques. Un disque de Lordo Virtutum, le jeu liturgique d'Hildegard, dans la version de l'ensemble Sequentia, puis les Laudes de Saint-Ursule, par l'ensemble Organum, et à l'instant, un répond extrait d'un disque de l'ensemble Discantus, disque intitulé Hortus Delicarum, le jardin des délices, et qui est consacré tout entier à Hildegard et à son temps.